Qui sera légitime, pas conférence à ta chef, du mal petit. On laisse pas un homme à terre sans s'assurer de sa mort. Accusé le fait fou, c'est la vengeance du condamné à mort. Celui qui prend le droit, marche de travers. Pourtant les gens parlent sur toi et te la mettent à l'envers. Le KTTI est omis, prépare les bagages. Après son âge, crois qu'on va l'avoir le palace. Cette année, mis le dans les poches en petite coupure. J'ai encore des rêves, je voulais juste vais ce qu'il écoute pute, j'ai connu la reine. Excusez-moi mon père, je vais pêcher par colère. Que son âme repose en guerre, amen. Dès le collège, sans cortège, j'ai capté le manège. Un pour tous, tous pourris, c'est l'intérêt qui manage. Et si les belles me sourient, costard du préau. La vie en fera des bêtes, là qui se bat pour ton numéro. 2005, j'ai le catalogue. Père de TN dans le cuss, ligne 82, Batalos. Blunt à 30 cents, 25 G à 42, 2010. Le shit est au prix de la bonne catastrophe. Zo est mort, 2K est proche de l'asile. Comme de ta meuf, c'est-à-dire à deux doigts la mise. Les gens baissent, tu parles de tes plans. Les traîtres ont des oreilles, c'est peut-être pour ça que les ventes baissent. De jalousie, les langues de pute font défélation. Dans mes paragraphes, sans sparadra, alors j'y mets l'accent. Moral en dents de scie, comme ma relation père-fils. Je voulais être Superman, je ne suis que super triste. La vengeance c'est un plat qui sera les jetis. La conférence à ta chèvre, du mal petit. On ne laisse pas un homme à terre sans s'assurer de sa mort. Accusé le fait fou, c'est la vengeance du condamné à mort. Celui qui prend le droit, marche de travers. Pourtant les gens parlent sur toi et te la mettent à l'envers. Le KTTI est omis, prépare les bagages. Après son âge, crois qu'on va l'avoir au palace. Tu me doulais que mon chien, je dirais que je viens pas de ton monde. Tu recules devant les mecs, bien t'y penses même pas 5 secondes. Fier de tout ce que j'ai bâti, je suis un peu prétentieux. Personne n'arrête Mister Teddy, je suis toujours prêt nerveux. Faut que t'aies l'oreille pour m'écouter, je fais plus du rap d'enfant. Si t'as les yeux pour m'observer, je chanterai ça tout doucement. Il me reste peut-être quelques sentiments pour sodomiser l'instru. J'ai perdu l'envie d'être charmant le jour où mon cœur s'est pendu. J'ai vraiment confiance en personne, j'ai des séquelles plein le dos. Tellement de succès. Et cassé, ma mère m'appelle Haribo. Propriétaire de mes mesures, de cap aussi logé. Célibataire sont mes blessures, viens pas les accoupler. À moi de venger toutes ces insultes données sur mes écrits. À moi de représenter les vrais, moi je crois que ça suffit. Cupidon s'est fait buter, je trouve ça dommage, non. Agression préméditée, bref rien d'étonnant. Pourquoi quand je repense au passé, j'ai des larmes qui coulent. Et quand j'imagine le futur, tous mes frères s'écroulent. Ma façon d'écrire, elle est comme ça. Je peux t'en décrire des lobes, ça. J'enlève pas mes peu ça. Elle dit je t'aime, mais c'est des lats, ça. Un plat qui sera les jetis, pas conférence à ta chèvre, du mal petit. On ne laisse pas un homme à terre sans s'assurer de sa mort. Accusé le fait fou, c'est la vengeance du condamné à mort. Celui qui prend le droit, marche de travers. Pourtant les gens parlent sur toi et te la mettent à l'envers. Le KTTI est omis, prépare les bagages. Après son âge, crois qu'on va l'avoir au palace. J'aimerais connaître la résurrection des fans de mes chansons. Au lieu de ça, je me contente du mal. Un regard noir sans attention.